Chapitre 8. Mais Jésus se rendit au mont des Oliviers. Tôt le lendemain matin, il retourna dans le temple, et toute la foule s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Les maîtres de la loi et les pharisiens lui amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent devant tout le monde et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu ? » Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire par terre avec le doigt. Comme ils continuaient à le questionner, Jésus se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent ces mots, ils partirent l'un après l'autre, les plus âgés d'abord. Jésus resta seul avec la femme qui se tenait encore devant lui. Alors il se redressa et lui dit, « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, maître, » répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, » dit Jésus. « Tu peux t'en aller, mais ne pêche plus. » Jésus adressa de nouveau la parole à la foule en ces mots. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera jamais dans l'obscurité. » « Tu te rends témoignage à toi-même, » lui dirent les pharisiens. « Ce que tu déclares n'a pas de valeur. » Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, ce que je déclare est vrai, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez à la manière des hommes. Moi, je ne juge personne. Cependant, s'il m'arrive de juger, mon jugement est valable, parce que je ne suis pas tout seul pour juger, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que lorsque deux personnes apportent le même témoignage, ce témoignage est valable. Je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Où est ton Père ? Lui demandèrent-ils. Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où se trouvent les troncs à offrande. Personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je vais partir et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. » Vous ne pouvez aller là où je vais. » Les Juifs se disaient, « Va-t-il se tuer puisqu'il dit, vous ne pouvez aller là où je vais ?»« Vous venez d'ici-bas, » répondit Jésus, « mais moi je viens d'en haut. Vous appartenez à ce monde, mais moi je n'appartiens pas à ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans votre péché. Car vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis celui que je suis. » « Qui es-tu ? » lui demandèrent-ils. Jésus leur répondit, « Ce que je vous ai dit depuis le commencement. J'ai beaucoup à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai appris de lui, c'est cela seulement que j'annonce au monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit alors, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous reconnaîtrez que je suis celui que je suis. » Vous reconnaîtrez que je ne fais rien par moi-même, je dis seulement ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Comme Jésus parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Il dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous obéissez fidèlement à mon enseignement, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. »